Le titre de l'introduction a été trouvé par ma chaîne, alors en fait, même à demander mon avis, mais ça. Oui, qui nécessite au moins l'explication parce qu'il y a des mots dedans, horlogie, qui peut-être tout le monde n'est pas familier avec ce concept. Horlogie récréative. Horlogie vient du mot grec odos, qui dit chemin. Vous connaissez les méthodes, manière de trouver le chemin. L'horlogie, c'est une réflexion sur le cheminement. Ce n'est pas un mot que l'on a inventé, qui existe depuis une petite centaine d'années, mais qui est revenu un peu réanimé par des collègues de l'école de paysage de la salle. Je vous avais amené un certain nombre d'images, alors mon discours sera basé sur beaucoup d'images, à défaut de pouvoir me promener avec, à défaut à pouvoir me promener avec vous. J'essaie de faire un parcours visuel. Suite à une introduction du sujet sur l'iconographie de la marche, je vous donne quelques exemples de notations d'autres personnes et de moi, pour évoquer ensuite des figures cinématiques de la marche, récréative, et pour enchaîner en fait sur l'essentiel, de vous donner quelques exemples, trois exemples de marches récréatives. L'exemple de l'espace rural à Salon-en-Provence, un autre dans la périphérie d'une ville à Marseille, et puis pour terminer avec un petit bout de 300 mètres de marche au centre-ville de Marseille. Alors depuis maintenant dans le milieu d'art, de critique d'art, c'est devenu coutume de démarrer un topo sur la marche. L'homme en marche avec une citation ou avec le tableau de Masaccio, début du XVe siècle, voilà qui, selon Daniel Arras et aussi Thierry Davila, inaugure la tradition iconographique de l'homme qui marche. Alors vous voyez sur une fresque beaucoup plus importante, avec plusieurs tableaux, vous voyez ici Adam et Ève chassés du paradis. Je m'allais le confronter avec une autre photo d'une auteure anonyme du début du XXe siècle qui montre aussi deux personnes en train de marcher vues d'en haut et on voit plus clairement leur ombre. Qu'est-ce que met ces gens en marche? On va voir s'ils sont aussi des personnes qui sont chassées du paradis. Depuis peut-être deux ans, c'est devenu dans le milieu d'artistes intéressés par les pratiques urbaines, par la géographie en général, c'est devenu coutume de faire des voyages Google. Alors, je fais un petit. Vous rapprochez le micro. J'ai eu l'expérience la dernière fois avec des larcènes, alors okay. J'espère que ça va mieux maintenant. Là, on a un petit zoom sur l'Europe, et en descendant sur l'Arc alpin, que vous connaissez. Que vous connaissez bien. Et sur ce lac de Constance. Au triangle entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, sur le parti nord, qui où existe une petite île qui s'appelle l'île de Mainau, qui est liée avec la terre ferme par un pont. Et sur ce pont, se retrouvent ces deux marcheurs dans le soleil d'hiver, dans une matinée, et qui se dirigent en fait vers ce site touristique. Connaissant pas ce qu'ils cherchent là. Alors quand on change un peu le cadre, on voit une autre ombre très longue, là, centrale, qui est un peu étrange, avec des objets bleus dans l'eau. Et vu que maintenant que Google est un système d'information géographique, il y a des images associées, alors c'est très facile maintenant de faire la photo d'interprétation. On retrouve que l'angle vient de cette roi du XVIIe siècle qui était érigé suite à une période de test. On peut même faire un zoom jusqu'à l'expression du visage et de la sculpture. On trouve d'autres photos aussi de cette point, entre autres de cette rambarde. Alors je vois que les nombres qui étaient à côté des marcheurs viennent de cette rambarde qui a approximativement un mètre. Et le fait maintenant de connaître, d'avoir une mesure de cette rambarde et la mesure sur Google Earth de l'amplitude du pain, je peux maintenant calculer la grandeur des personnages. Alors là, on est face à une personne d'un mètre 70 et une autre personne de 1,50 m qui marche dans le pain. Ce type d'image se rapproche plutôt du type d'image début du 19e siècle, des illustrations de villes, de Vidutta, où les personnes sont les accessoires, en quelque sorte, sont des motifs accessoires de représentation des villes ou de bord de ville. Et je pense que les figures de marcheurs dans Google Earth remplissent un peu de cette fonction, des motifs accessoires des représentations des villes ou des territoires. Mais le thème, c'est quand même c'est pas de faire un topo sur les figures des marcheurs, mais de dire qu'est-ce que la marche contribue à l'exploration de l'environnement. Pour ce thème, dans les critiques de l'art, les critiques de littérature, a dressé les sources culturelles, et souvent ça commence avec le poète anglais du fin du 18e, pour enchaîner avec les flâneurs littéraires du 19e, du 20e, pour parler après des surréalistes, des dadaïstes, des situationnistes, pour arriver aux explorateurs, artistes urbains d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais vous proposer une autre source conceptuelle des nouveaux réalistes du début des années 60. Vous connaissez certainement Daniel Spoerry qui s'est fait connaître avec ce tableau piège à un moment donné. Il prenait tous les objets qui traînaient sur sa table et les collait cela et les accrochait comme un tableau dans les galeries. Il est invité pour sa première exposition personnelle dans une galerie à Paris. Il décide, il a l'occasion à ce moment-là de faire une petite brochure, de décider de ne pas coller cet objet, mais de le remplacer par un dessin. Et tout ce livre, les dessins du objet qui se retrouve au moment donné, qui se retrouve le 17 octobre 1961, sur sa table d'hôtel, je crois, vers l'hôtel à un moment. Et tout le livre est un parcours de ces différents objets. Ils rencontrent les objets. Et qu'est-ce que fait qu'ils arrivent là, dans cette géographie sur la table. Et c'est devenu probablement un des livres d'artistes les plus pertinents des derniers demi-siècles. Cette idée de parcours sur une table est toujours pertinente. Là, j'amène un exemple d'une collègue, Amine Marcheur, à Kiev Porsan, qui dessine quelque chose d'assez semblable et qui parcourt d'objets sur sa table, dans sa chambre. Et la légende après, la note. Et cette démarche me semble assez proche en fait de la posture du artiste marcheur de prendre des objets qui se posent à un moment donné sans a priori, essayer de l'aborder sans a priori, et de les mettre en séquence et de proposer un point de vue. Et là, on se rapproche d'une autre tradition, d'une autre source culturelle, probablement plus importante encore, qui est la mnémotechnique, hein, les images qui sont liées avec des techniques d'aider son mémoire, de mémoriser un discours élaboré dans l'Antiquité grecque, qui est perduré jusqu'à la Renaissance et au-delà, qui consistait à imaginer qu'un parcours virtuel dans une ville, ou un quartier de ville, ou une abbaye, ou une église, qu'on connaît très bien, soit par église, soit parce qu'on l'a imaginé avec beaucoup de détails, et on se familiarise avec ce parcours, qui permet après de segmenter son discours à retenir et l'attacher aux éléments de cette image mentale de la terre. Et on se retrouve, et c'est quelque chose qui fonctionne de manière tellement efficace, qui explique probablement aussi pourquoi c'est très simple de se rappeler de son discours, de son parcours. Là, il n'y a pas de modèle préexistant. Et j'ai essayé d'amener une tentative de restitution de toute la balade de l'année dernière avec trois membres du laboratoire Cresson, au cours de 4 km sur une heure, dans la banlieue de Grenoble. Et je demandais à mes co-promeneurs de me donner, de segmenter les parcours improvisés. Et je l'ai confronté avec une notation dynamique du parcours, c'est-à-dire que j'ai pris l'habitude d'enregistrer mes parcours avec un GPS, c'est très facile, et de visualiser la vitesse instantanée du parcours. Là, on voit par des points, chaque cercle représente un point de mesure du GPS, du parcours. Et il y a un code de la vitesse, plutôt des ralentis du déplacement. Les cercles qui deviennent plus grands indiquent un ralentissement par classe de 1 km à l'heure. Des grands cercles rouges correspondent à un arrêt ou à un ralentissement. Des cercles petits à un passage rapide. Et on retrouve que les segments sémantiques trouvés dans le récit correspondent assez bien avec les points d'arrêt ou les ralentissements. Alors, j'ai cette pratique qui m'accompagne depuis un moment, après coup, de regarder pas seulement les parcours faits en ville ou à l'extérieur de ville, mais aussi de jeter un œil sur la dynamique de déplacement, qui est une manière aussi à me rappeler ce qui est passé. Et là, j'ai amené quelques exemples du parcours de l'année dernière à Saint-Raphaël, et qui a acheminé, qui a abouti après à une promenade publique avec un groupe d'une vingtaine de personnes. Et on voit mes amorces et mes tentations de trouver un parcours. Quand je superpose sur un plan, c'est plus illustratif, c'est plus pertinent. Et ça permet aussi, avec le système d'information géographique, de confronter mon parcours réel, actuel, avec des cartographies anciennes. Alors avec les cadastres napoléoniennes, avec les cartes topographiques du début du XXe siècle, et les bases de données urbaines contemporaines. Entre autres, pour m'aider à retourner sur le chemin, à retourner sur le terrain, mieux renseigner. Il y a toujours des choses qu'on ne voit pas quand on est sur le terrain, mais que les lectures cartographiques révèlent. Et là, je ne vous dis pas des choses nouvelles. J'imagine que le plaisir de travailler avec un SIG qui permet de superposer des couches thématiques très, très différentes, comme ici, le cadastre du début du 19e avec le cadastre actuel. De manière à mieux lire l'espace. Juste un petit mot ou quelques petits mots sur une des caractérisations de la marche. Et là, j'emprunte, je développe une idée prononcée par Thierry Gavillard, qui, il y a quelques années, écrit un livre sur le marché créé, en regardant un peu plus près des relations de production des artistes qui marchent. Lui, il propose deux grandes figures cinématiques. Cinématique, c'est la science du mouvement, de transformation du mouvement. Il propose deux figures. Il propose les trompettes, le coupe spatial, la ligne droite, si on veut. Et il propose l'entrelac. C'est-à-dire que là, on fait des virages, on fait des courbes, on revient sur ce plan. Et quand on regarde ça derrière, vraiment les mécaniques derrière, on peut dire que le transect correspond à la translation du mécanicien, du mouvement tout droit. L'entrelac, c'est un mélange entre les deux types de figures élémentaires cinématiques, la translation et la rotation, qui correspond au format de marche bien identifié. Les transects plutôt les démarches scientifiques, entre là le format classique de la promenade du dimanche, de la promenade patrimoniale ou d'autres. Mais il reste, quand on regarde dans cette logique de cinématique, il reste une figure de marche qui est une marche immobile ou qui est une marche qui consiste qu'à une rotation, c'est-à-dire qu'elle tourne de sa propre axe, qui est beaucoup utilisée par les photographes et les cinéastes évidemment. Comme un des, bien sûr, il y a d'autres manières de classifier la marche, mais ça me semble, en démarrant de la cinématique, un des classifications intéressantes. Voilà les exemples maintenant. Le premier exemple du parcours en rural, oui, en périurbaine rural, à côté de la base de l'air militaire de Salon, là où s'entraînent des patrouilles de France. C'est un projet pédagogique avec deux de mes collègues, trois de mes collègues à Toulon et un groupe d'étudiants. Pendant 2 saisons, on a suivi une voie antique, la voie aurélienne qui relie Rome avec Arles. On en a sur quelques morceaux, c'est bien réparable. On a des traces, des colombières, des bornes, des panneaux indicateurs, si on veut. Et sur un de ces parcours, on est tombé sur un gros de bâtiment, que vous voyez en haut, qui est un bâtiment agricole, vernaculaire, en forme de U avec une très grosse porte et pas d'installation pour le toit. Bizarre. Alors même mon collègue Guy Morel, qui est un grand spécialiste de l'architecture vernaculaire, ne savait pas à quoi ça correspond, cette mur très épais. Et on demande, voilà, l'approche de promeneur, c'est de demander l'aide des connaisseurs locaux. Les vignerons nous expliquaient que quand on a arrêté sur son tracteur, on a expliqué que cette construction était un hangar de l'occupant allemand pendant la guerre pour stocker les avions. Et que sur cette vigne, il y avait des pistes d'atterrissage. Tout à côté de la Vavourienne. Alors, quand on a appris ça, ça change notre perception de l'espace, évidemment. Et on a eu l'idée, peut-être, que les pistes, en fait, qui étaient là, faites avec des plaques calcaires dans cette vigne, étaient installées là, justement, pour dissimuler son existence, parce que la voie aurélienne, la voie antique romaine sans connue peut être tout droit, et peut-être c'est une manière de camouflage. Alors on a essayé de suivre cette hypothèse, de prendre cette hypothèse. Il y a des photothèques en fait où on trouve des photos des pilotes bombardiers photographes, et on retrouve effectivement, on trouve cette construction photographiée en 1944. Et on le voit, en fait, c'est quelque chose, cet hangar est un des multiples hangars à chaque fois à la fin de ces impasses. Mais il y a un tel... et la voie aurélienne en rouge. Et on voit que l'hypothèse de camouflage tend bien à l'eau. Il y a tellement de choses visibles qu'il n'y a aucune. Là, en tout cas, il y a, pour l'orientation de l'épice, il n'y a aucune tentative de dissimuler par la présence de la voralie. Dommage. Un autre balade dans la périphérie de ville, une toute petite balade de l'été dernier qui a duré une heure et demie, et qui commence comme ça, qui commence dans un jardin potager du grand-père de Gébert, ici sur la photo, était éleveur des vaches en Savoie. Il est immigré après la Première Guerre mondiale à Marseille avec ses vaches et il a la propriété, les vaches et les porcs sont partis depuis très longtemps. Mais le jardin potager est resté et donne accès à un souterrain qui relie plusieurs puits. Alors on descend, on ne sait plus de quelques mètres. Et on se retrouve après dans une galerie qui est maçonnée d'abord, qui a quelques installations hydrauliques en bas. On va trouver aussi des vieilles bouteilles de vin calcifiées qui en passent dans des parties qui sont taillées dans la roche, dans le fogal. Et là, on marche vraiment dans l'eau. C'est un petit trésor, en fait, même avec des branchements, et qui passe sous plusieurs puits. Et à l'endroit de chaque puits, il y a une petite barrage pour assurer que quand le seau est posé, il y a toujours de l'eau. Maintenant, les gens ont installé les pompes pour avoir de l'eau. Et là, le balade s'est arrêté là parce qu'on aurait dû nager à cet endroit-là. Et quelques mètres plus haut, la vue se présente comme ça. C'est-à-dire qu'avec un puits, on dirait qu'un puits décoratif, c'est quelqu'un qui est plus utilisé ailleurs. Bien que c'est devenu une image, il est la réalité concrète, relique, toujours présente. Entre des souterrains de l'île. Voilà une petite équipe, de trois personnes. Le centre-ville, alors les transects, je reviens maintenant pour les dernières 20 minutes sur un transect au centre-ville. À Belzin. Et le couple spatial en ville, c'est assez fréquent en fait. Et là, j'ai amené ici un exemple de l'équipe des architectes, des étudiants d'architecture, qui ont analysé une rue dans le centre-ville de rue Cubano à Belzin, centre-ville de Marseille. Une zone en fait qui fait objet de réqualification du centre-ville. Cette idée de suivre une rue n'est pas pertinente pour un artiste, pour un promeneur. On reste trop dans les catégories habituelles. Alors c'est mieux de se mettre en biais de rue. C'est aussi un peu plus compliqué, mais c'est largement compensé par ça. Et à l'occasion d'un atelier de promenade collectif, j'ai déterminé un coupe spatial de 300 mètres. Et je me suis superposé ici ce groupe avec une iconographie des années 70 sur le centre directionnel de Marseille. Et ce quartier Belzins, bien connu et décrit comme quartier de l'immigration, de transit, quartier arabe, est un peu comme le cœur noir en fait, de la ville qu'on veut soigner, qu'il faut réqualifier. Et qui est souvent un peu, comme ici, comme un espace vide, presque comme une enclave qui est blanc. Mais ça, c'est juste le premier regard, parce que derrière, quand on creuse un peu, on voit bien que c'est un territoire qui est regardé par de multiples chercheurs. J'ai amené ici juste les monographies les plus importantes dédiées à cette mini-bout de la ville, de l'histoire de l'immigration, de l'histoire de l'urbanisme, sur les travailleurs précaires, sur l'économie parallèle, sur la monographie sur l'église, sur une approche sensible par les portraits des habitants, par un photographe, des monographies suite à la résidence d'Estaguer. Alors il y a plus de documents, et évidemment aussi une iconographie très riche, cela c'est ce point de vue. Et très vite, s'avérait que la... juste dire un mot sur cet atelier. Alors, ça a eu lieu, c'était un atelier qui a lieu pendant 6 samedis après-midi, en 2007, et qui consistait en fait à passer un après-midi ensemble, entre 10 et 20 personnes, et d'essayer de faire, de suivre en fait cette coupe spatiale, et de le répéter en fait, de ne pas se dire qu'on va, on va aller chaque rencontre, on va aller à notre endroit, mais de dire, de s'obliger à prendre les mêmes coupes, pas forcément les mêmes chemins, mais de suivre en fait les 300 mètres. Et très vite, ça veut dire que malgré cette absence de l'équipement, il y avait quand même une richesse des espaces publics ou semi-publics. Et les promenades sur le terrain sont accompagnées aussi par les méta-promenades. Parce qu'il y a une documentation riche sur le centre-ville, même sur les espaces ruraux, c'est évident. Lors des promenades dans des archives, ici l'archive de la BDE, qui se retrouve d'ailleurs à 200 mètres en fait, de cette coupe spatiale, et qui réserve aussi des surprises. Je ne sais pas si vous êtes habitué à fréquenter des archives de DVE ou d'autres archives publiques en France, c'est assez drôle. Mais là, il y a, le seuil d'une pièce, en fait, le seuil qui lie deux pièces avec des niveaux différents. Et pour caler cette plaque métallique, pour élever les deux pièces, les archivistes ou des gens de DVE ont pris des dossiers pour caler. Une utilisation assez étonnante des dossiers, mais tout à fait possible. La promenade collective, comme je le dis, que c'était un promenade en mouvement, on a vu, mais très souvent a aussi des parts de stationnement assez poussées, souvent. Et autour de l'invité du jour, un des connaisseurs qu'on a préparé de cette boue de la ville, qui nous fait part de sa lecture et qui de plus en plus aussi à discuter sur nos regards. De temps en temps équipé par des matériels de l'instrument sonore, pour aborder, pour se mettre en... Ça, j'imagine que Rocresson, vous connaissez beaucoup mieux que moi, pour se mettre, entre autres, à une distance, en fait, d'aborder un espace en se concentrant sur l'espace noir. Là, à Massy, on a la chance d'avoir une iconographie, des cartographies de toutes les maisons privées. C'est pas évident pour un archive public, mais il s'avérait que pendant les moments de construction de tout à l'égout, pour être branché, les particuliers étaient censés de livrer coupes et plans de leurs maisons au service voirie assainissement. Source très chouette en fait pour les promeneurs amputeurs. Et j'ai à la suite là, des quelques photos qui suivent. Maintenant, je vais me concentrer sur 80 mètres de cette promenade de 300 mètres et me concentrer sur un îlot qui est bordé à droite par la rue Tubano et à gauche par la rue du Cap-Vert. La rue Tubano a longtemps associé avec comme une rue de prostitution, de qualification aujourd'hui. La rue à l'autre côté du tapis vert, les rues traditionnelles des petits sentiers, des grossistes juifs. Et entre autres, cet îlot, il y a aussi une multitude des espaces semi-publics. Alors, les plus le plus facile à voir avec cette façade. En fait, c'est la façade de l'église, façade et date du lieu de l'église vienne, mais l'église est plus ancienne que ça. Cette église a été désacralisée après la Révolution, désacralisée, et il y a une vingtaine d'années, a été reprise par les traditionnalistes catholiques, le mouvement Lefebvre, qui, à la recherche des espaces de culte, ont abordé des instances territoriales qui ont des anciennes églises désacralisées chez eux, pour leur proposer une ville, en fait, de récupérer le lieu en prenant des charges de gestion. Et c'est un concluant. On voit un des mots célébrés par les successeurs de Lefebvre, cette église. L'église qui était pendant très longtemps, qui était la ville de pauvres, sous-populaire, qui est devenue après la première faculté des droits à Marseille, et pour la suite est devenue, vers les années 1940, est devenue le code d'application des maçons. Alors, des maçons qui construisaient, qui apprenaient à construire en montant des faux maisons à l'intérieur de l'église. On le voit ça aujourd'hui quand on voit les marbres très cassés, on voit qu'il y a plein de briques en fait qui sont tombées sur le sol de marbre. Et la façade est intéressante parce que ça montre plusieurs portes. Et la première porte tout à fait à droite, c'est l'entrée de l'église. Les portes deux volets, à nouveau la porte de l'église qui est rarement ouverte. La porte qui suit, c'est l'entrée à une synagogue d'une communauté juive tunisienne qui est là derrière la synagogue avec deux salles de prière et qui se font très discrets. À côté, il y a l'entrée qui suit tout à fait à gauche, c'est l'entrée d'une maison, un showroom de nouveau 6 qui donne après accès à une maison avec des studios, des plusieurs dizaines de petits studios. Voilà, la synagogue qui donne à voir que par cette inscription sur la sonnette. La porte à côté est ouverte parce que c'est un showroom. On peut rentrer dedans, on peut voir les quantités des boîtes de lettres. Et qui permet aussi de faire des enregistrements d'en haut, dans la rue. Et la rue qui est caractérisée par, en tout cas pendant la journée, par les va-et-vient des camions qui déchargent, qui créent un brouhaha et une file d'attente. Et quand on monte dans cet immeuble, on approche, à un moment donné, on rentre dans un couloir qui se retrouve devant la façade de l'église. C'est-à-dire qu'à droite de cette couloir se retrouve une chambre, se retrouve la façade de l'église, habitée par beaucoup de locataires africains. Quand on avance un peu autour de cet îlot, il y a une rue, une rue de la Mission de France, qui est sale, pourtant qui est nettoyée deux fois par jour, les poubelles passent deux fois par jour, mais qui est nettoyée tout le vendredi matin, la rue est balayée, pour permettre la pose des tapis de prière de cette mosquée. Qui est trop étroit. Il y a beaucoup de cette mosquée, c'est la mosquée centrale du centre-ville. Alors il y a beaucoup de passages, des gens qui arrivent par la gare, qui ont des passages là. Trop petit dans la plupart des cas pour être accueilli à l'intérieur. Alors il y a l'extension dans la rue. Même des parkings en face sont loués aussi pour donner encore, faire encore la place. Et en face de cette mosquée se retrouve la façade du cinéma de l'Orient, qui est la dernière cinéma X de Marseille. Il y avait beaucoup de sédiments, et maintenant sur la Canibère, sur Valdez. Le dernier sédiment, le film classé X, et qui, voilà, qui donne en face, et qui donne une partie du sous-sol et est loué à la mosquée. Et quand on avance un peu de quelques mètres dans cette rue Mission de France, on a une autre perspective, on voit un théâtre qui s'appelle Art et Charité, et on retrouve sur la plaque de la porte une inscription qui intrigue, en fait, qui dit que derrière se retrouve la paix, société spiritualiste. Alors c'est le mouvement spirit qui s'est installé là, et qui sont les mêmes personnes en fait, qui entretiennent le théâtre. Des personnes très accueillantes, très prêtes à ouvrir le lieu, à parler de l'histoire, et nous faire entrer tous les bâtiments, et on rentre dans un théâtre italien, à 200 places, qui est, on a eu l'occasion aussi d'assister à un de ces spectacles, qui est souvent bourré, en fait. Il y a 200 personnes qui sont là, avec un public très actif, en fait. Et je vais amener un extrait sonore de un de ces soirées. Quand on est de Calabière, on sait faire des affaires. Car le point numéro 2 est discutable. Repris maintenant comme bibliothèque à vocation régionale. Mais cet engouement populaire et cette pratique des opérettes marseillaises est toujours là, toujours dans le quartier, porté par ce groupe de spirites, en fait, qui sont arrivés là par un électricien italien, Barosa, qu'on retrouve dans le deuxième théâtre en étage, le théâtre de répétition, et ce théâtre, on le voit sur le photo rapproché sur la scène. Monsieur Barosa a eu une femme qui était femme du théâtre, qui, entre autres, de cette mission philanthropique, a proposé des séances et des cours de théâtre, une manière aussi d'obtenir avoir des entrées pour leur œuvre philanthropique. Et cette salle de théâtre de répétition sert aussi toujours, depuis 40 ans, aux réunions de mouvements spirit. Tous les samedis après-midi, on voit des gens avec leur petite caisse arriver là. Le mouvement spirit et cette association qui est menée, présidée par l'avocat en ce moment. Poser la question évidemment si le tour de table, toujours tour de table. Ils ont dit que non, M. Barosa a dit que c'est dangereux. Et on retrouve dans le couloir de l'entrée, chez eux, un énorme tableau qui est 2 mètres, plus que 2 mètres, c'est 3 mètres, c'est 30. Il s'avérait que, un mauvais détail, il s'avérait qu'on trouve là un tableau d'un des piliers de l'art brut de la collection de Lausanne. Des mineurs, les sages. Les sages, peut-être vous le connaissez, cette histoire, un mineur qui est entendu au fond de la mine, en milieu de voix, qui lui disent un jour que sera peintre, et qui est initié un peu après par ses collègues mineurs au spiritisme, et ses voix se répètent, tout sera peintre, et il commente après une il se met à l'œuvre, et il commente la toile. Et par une erreur de communication, il reçoit une toile énorme, en fait, 3 mètres, sur, 4 mètres sur 2 mètres. Et quand il est en train de le couper en petits morceaux manipulables, il entend à nouveau une voix qui lui dit de ne pas le couper, de le prendre dans le grand format. Il s'exécute pendant plus d'un an, et il fait presque à la manière comme une imprimante, avance ligne par ligne, et chaque fois, quand c'est temps de changer la couleur, il change la couleur. Et on retrouve là, il devient peintre. Après, il quitte la mine, et on retrouve un de ses tableaux, on retrouve étonnamment là, dans ce couloir de cette association spirit. Très proche, quasiment voisin, mais chez eux, il y a des nouveaux arrivants spirituels, en fait. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui peuvent lire le chinois. Moi, je ne peux pas, mais j'ai demandé aux connaisseurs qui m'ont traduit et qui m'ont dit que l'inscription veut dire l'église évangélique protestante chinoise de Marseille. Qu'ils ont repris il y a 2 ans un ancien kebab. Pour faire leur réunion, leur culte, les dimanches. Dimanche après-midi, on voit des gens, des Chinois de tout âge, des personnes âgées, beaucoup d'enfants qui arrivent en groupe et qui. Il y a quelqu'un qui prêche, et à ce moment-là, les jalousies sont ouvertes, on voit les gens, et c'est cette nuit avec un agape, en fait, où on les sert à boire à la fin de l'après-midi. Juste à côté, il y a une ville, presque vide, il y a l'endroit où il y a une plaque de rue, et qui est, c'est la rue de Tubano, la rue de mauvaise réputation, c'est, il y a une réqualification aussi de la rue, c'est-à-dire que ça devient maintenant l'objet de souvenirs, il y a des gens qui volent des plaques de rue, et pendant un an, ça a dû être renouvelé, je crois que 6 fois. Comme dit le gardien de parking qui est juste en face. Je avance un peu plus vite. À côté, il y a un grossiste juif, en fait, spécialisé pour le vêtement pour les personnes obèses. Et deux personnes en fait, qui habitent dans cette maison ont assisté à cet atelier collectif. Alors on a pu rentrer dans la maison. On a pu faire une photo du cours l'intérieur de cette fenêtre que je vais indiquer. On retrouve là un peu cet ensemble. On voit au fond à gauche, on voit la façade de l'église traditionnaliste. On voit la maison avec des mini-studios au fond. On voit à droite, on voit dans les hangars un des salles de prière de la synagogue. Et on voit dans les bâtiments à gauche, là, on voit la maison des gardiens de la synagogue. Et qui laisse installer, vous voyez cette cour, il y a des bouts de bois qui sont restés là toute l'année. À un moment donné, pendant l'année, ça sert en fait pour installer le fête des cabanas, les moments où en fait l'exode de l'Égypte, où des élèves, des étudiants, le centre juif, le centre russe, sont invités de casser la croûte en communauté. Et la construction des cabanons est un peu toujours en place pour faciliter la réinstallation. Et le bassin, qui était encore sur les dessins, il y a 100 ans, bien exploré. On retrouve dans les sous-sols de cette maison, maintenant occupée par un grossiste textile, on retrouve un cimetière protestant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait l'interdiction d'enterrer les protestants sur les cimetières publics, à la catholique. Là, il y a des tombes privées de personnes que je n'ai pas encore vues parce que le couloir des grossistes était encombré par les, prendre les vêtements, les jeux et la promesse de pouvoir accéder. À côté, on trouve un mur assez délabré qui, dans une partie décrépite, a tombé et a déclenché c'était le dernier élément pour lancer l'évacuation de cet immeuble, qui est un hôtel meublé, plus entretenu, et que cette crépie qui est tombée sur une voiture a écrasé heureusement personne, mais ça a déclenché l'évacuation express, où les personnes de beaucoup de ces locataires étaient en voyage au bled chez eux. Quand ils ont retrouvé, retourné en Suisse, ils ont trouvé que leur chez-soi n'existait plus. Ils ont accueilli de force et d'urgence en 3 jours. Et cet immeuble fait maintenant partie du premier, parce que cet immeuble est géré par une famille algérienne. Donc le gérant est décédé et la veuve qui gagne sa vie en tant que femme de ménage à la bibliothèque ne peut pas répondre avec l'exigence de mettre l'hôtel en ordre. Alors maintenant ça fait objet d'une première expropriation du meuble à deux ans. Je vais faire passer très vite parce que Rachel fait signe de laisser le temps à la discussion. Voilà. Bien sûr, il y a une densité d'autres espaces tout à côté. Et on retrouve, par exemple, un des espaces publics encore, qui est une caserne de pompiers, qui ont là leur drapeau. L'espace de superposition des territoires, aussi bien que des loisirs de pompiers, on voit le barbecue, que des espaces cérémoniels, en fait, pour faire vraiment la paix sur le drapeau qui a lieu là, à l'intérieur d'une petite cour dans l'île à côté. Et j'aimerais terminer avec deux images. Qui correspond à la question qu'on se pose souvent, comment maintenant, étant sculpteur, comment ça conforme, qu'est-ce que c'est l'expérience, la promenade même, on essaie de ne pas laisser des traces justement, d'être mobile, d'être en transition. Est-ce que ça doit être transposé en galerie, dans une salle? Est-ce que ça peut se matérialiser? Et là, la suite de cet atelier, vous êtes invité, est-ce qu'on est obligé de faire un retour en salle, de galerie, de bureau de compétences et de désirs? Il n'y a pas de question d'amener toutes les fruits de lecture de cette promenade, mais juste des vocations. J'ai vu dans cette galerie, il y avait une trappe en fait, qui donnait l'accès à un sous-sol. Sous les façons conflictuelles aussi, parce qu'on partage avec la pharmacie à côté. Et j'ai juste barré cette trappe avec une plaque de verre, avec la cartographie du bout de Besançon qu'on a penché. Et que par travers cette plaque, on voit l'escalier qui descend, comme une évocation, correspond peut-être à la conviction qu'il y a toujours une superposition d'espace, toujours l'espace derrière la construction. Voilà, j'espère que maintenant on va avoir un moment de discussion.